une ultra minorité de gens qui comprennent ce qui est écrit dans la loi. Quant à ceux qui comprennent en tant qu'élus ce qu'ils sont en train de voter, n'importe qui, pas grand monde en fait, statistiquement. Je pourrais citer plein d'exemples. En réalité, on n'a pas le droit de citer, mais toute la force qu'on a été. Par rapport à ça, il y a un problème fondamental. Il y a effectivement un certain nombre de militants qui sont extrêmement efficaces. Et là, ben, d'ailleurs, on voit sur l'image, il commence à faire sombre, hein, mais le son passe toujours. Hein, c'est de la vidéo, mais il y a du son, ça. Après tout, c'est surtout le son qui compte, hein, pour suivre ce débat. Un flux en direct, hein, depuis. Vous trouvez donc sur www.humanrights21.org consacré donc débat sur. C'est l'action internationale pour le respect de la vie privée et la liberté d'expression aujourd'hui. Et en France, on a vraiment de quoi faire en ce moment avec toutes les choses là qu'ils arrivent à nous, toutes les réglementations qu'ils arrivent à nous sortir. Hein. Retour également à d'autres. Il y a également d'autres choses d'autres manifestations en termes d'actualité. Par exemple, revolutionsoundrecords.org, le son du libre. Ouvrir le lien dans une deuxième fenêtre. Hein, je me suis laissé un petit raccourci là pour y arriver. Donc, je vous lis également la présentation telle qu'elle est écrite sur le site lui-même. Le site, c'est http://sondulibre, tout collé ensemble, .revolutionsoundrecords.org. Le texte de présentation. Pour sa troisième édition, le festival Le Son du Libre se déplace à Marseille. En effet, cette année, c'est l'association Musicomania qui accueille la version 2008, le vendredi 24 et samedi 25 octobre, un programme riche et varié qui prévoit deux soirées à sensations. Alors curieux, eh bien découvrez sur ce mini-site ce que vous réservent ces deux soirées, bonnes découvertes, qui nous l'espérons vous donneront envie de venir. Et donc l'affiche indique pour le vendredi 24 octobre les groupes No Fun et Senoy qui font du rock et Trois Petits Points avec de la chanson poétique. Et le samedi 25 octobre du rock progressif avec Elora. Et le sac à boulon qui fait de la chanson chansons acoustiques. Ça c'est ah oui, et j'allais oublier Otis, hein, qui fait aussi du rock. Alors, il propose également de venir avec un CD vierge. Le fait que le CD soit vierge est une qualité essentielle, hein, comme dirait un certain juriste. Ou bien une clé USB, et ça permettra de repartir avec du son. Eh bien oui, il y aura certainement une borne automatique ou quelque chose dans le style, hein, sur place, histoire que les gens sachent ce que c'est que de la musique libre. Hein. Il y a quand même un prix d'entrée, quoi, 5€ pour un soir ou 8€ pour les deux soirs. Donc ce n'est pas forcément gratuit. Je retrouve, alors, qu'est-ce qui se passe sur le chat? Ah ben, il se passe pas grand-chose, il y a juste Taro qui est là, qui est encore là, qui attend, qui fait rien, qui écrit pas. Je dois me débrouiller tout seul, comme d'habitude, mais enfin, ça change pas. Hein. Sur le forum, rafraîchissement de la page, il ne se passe rien non plus. Donc, retour de la musique immédiatement. Et qu'est-ce qu'il y a comme musique? Eh bien, Psychorama qui nous interprète Psy 002, de l'album Psychorama Session 00. C'est de la musique noise sous licence Creative Commons by NCND 2.0 du net label FREC. Netlabel FREC. Faut que je fouille un petit peu si j'arrive à le trouver. Psychorama, ça doit être ici, voilà. Il y a une page, c'est un peu plus difficile. On a une grosse pochette d'album. Format, donc je. C'est un peu, oui, enfin j'essaye de fouiller, mais j'ai un petit peu de mal à trouver. Hein. Voilà. Bon, donc plutôt que d'essayer de fouiller et puis de ne pas trouver, eh bien on va faire passer tout simplement le morceau de musique. Ça démarre pour 7 minutes de musique noise. 6002 par Psychorama, donc ça a été composé en 2004 et c'est évidemment sous une licence libre Creative Commons by NCND 2.0. Et enfin, je vais finir donc dans l'actualité libre. Bon, bah, dernière chose que j'avais notée là dans mon petit calepin, c'est donc la soirée Open Picodon le 16 octobre à Crest. Donc c'est l'association Clic Éthique qui invite à venir partager une tartine de fromage et de bonnes tranches de culture libre à partir de 19h30 à la Bonne Fromagerie à Crest, donc ce 16 octobre. Avec des intervenants de l'association qui présentent un ensemble de réalisations culturelles, comme des projections de courts-métrages, de la musique, des images. Ce sont des œuvres dont les auteurs ont fait le choix de diffuser sous licence libre, avec la possibilité aussi de découvrir et d'essayer tout un tas de logiciels libres utilisés pour créer ces œuvres. Donc il y aura dans cette soirée des logiciels libres, de la musique libre que l'on peut télécharger gratuitement, des films libres, donc ils vont projeter entre autres Good Copy, Bad Copy. Il y a également d'ailleurs quelques informations sur leur site. Attendez. Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, ils ont changé, ce n'est plus un Mon Pauvre Lieu, c'est un site d'émission, donc c'est sur http://www.clicetic.com/émission. Vous avez donc la possibilité d'écouter des émissions, mais l'émission numéro 20 et numéro 21 sont également sur l'archive de Dogmazic. Vous pouvez également la télécharger depuis leur profil. Vous avez de toute façon un petit champ de recherche là sous le bandeau en haut à droite sur la page d'accueil de Dogmazic. Vous cherchez Clic Éthique. De façon tout à fait donc en trois mots et de manière tout à fait l'orthographe la plus simple et donc vous avez également une ils annoncent également la journée du logiciel libre les 17 et 18 octobre à Lyon. Et les 10e journée du logiciel libre qui seront jumelées avec le 10e anniversaire de l'Aldil et qui seront l'occasion d'une rétrospective de 10 années de logiciels libres qui aidera à se projeter dans l'avenir. C'est eux qui l'écrivent, mais je pense qu'ils ont une bonne raison de l'écrire. Donc l'association Clic Éthique, une invitation là, qui a été lancée sur le forum du site Dogmazic. La dernière des manifestations que j'avais notées. Et ben on va se remettre un petit coup de Fear Not Fear là. Et petit à petit on rentre dans ce moralisme, petit à petit on se conditionne et petit à petit on rentre là-dessus et les gens font beaucoup attention à ce qu'ils mangent, au côté bio, au côté les OGM, au côté manipulation, les prothèses qu'on met dans le corps, où va la médecine, etc., la notion de progrès. On doit lier les questions de fichage, les questions de biométrie, de vidéosurveillance, à ce débat philosophique sur ce qu'on est, sur la façon dont on veut vivre, sur le fait que la liberté, ce n'est pas que Pétain, que Vichy, c'est l'ensemble. C'est nous, en tant qu'individus, notre philosophie de vivre. Et on n'est pas parano, c'est qu'on a envie de bien respirer, de bien vivre, de vivre pleinement, de vivre comme des individus authentiques. On a envie de manger bien, authentique, mais on a aussi envie de se déplacer et de vivre de façon authentique. Donc, on a dit un petit peu l'essentiel de là aujourd'hui. C'est un peu trop nombreux, très nombreux la manifestation. L'idée c'est quand même qu'on puisse se réunir physiquement dans pas mal de temps qui reste dans le cœur. C'est vrai que ce qui a été fait récemment par l'Union européenne, c'est bien que dans même des groupuscules pas très organisés peuvent se bouger dessus pour faire manifester. Mais voilà, on ne fait pas grand mal. On est quand même si je partais un groupuscule, on n'est même pas déjà effectueux. Alors ça, c'était donc un extrait de la vidéoconférence là qu'on trouve en ce moment donc pour la manifestation Fear Not Fear. Ça, c'est donc ils sont en plein débat là sur ces privations possibles de ces restrictions sur l'accès à la sur la protection de la vie privée, ces restrictions également sur les possibilités de publier tout simplement aussi parce que il y a pas mal de choses d'aspects qui inquiètent au niveau des lois européennes, voire plus précisément aussi au niveau des projets de loi en France pour lesquels nous sentons tous concernés un petit peu vis-à-vis de la possibilité par la suite de continuer à publier la musique sans être obligé de la vendre à un prix qu'on n'aurait pas choisi, par exemple. Donc un petit extrait là que j'ai refait passer là en direct hein, avec la vidéo on voit plus grand chose sur l'image, mais le son on entend toujours autant. Alors la suite, on revient maintenant un petit peu à la musique justement, puisque c'est quand même aussi la raison d'être de Dogmazic, c'est la musique libre. Et nous voici avec maintenant Majesté Féline, ma documentation, voilà. Donc qui nous interprète les guerres propres, ça a été composé par pas mal de monde, hein, Frédéric Robin, Daniel Valchert, Laurie Valchert, Myriam Lothar et Philippe Liozon ont participé à l'écriture de cette chanson. C'est l'album Inconscience dans le viseur, ça a été publié sous licence Creative Commons by NCND 2.5, tout à fait autoproduit, moi je qualifierais ça un petit peu de pop folk, mais enfin mes classements musicaux sont certainement tout à fait contestables parce que on peut pas dire tel truc fait partie de tel style de façon aussi manichéenne. Est-ce qu'on a cherché à fabriquer un style bien précis? Donc ça date du 4 septembre 2008, donc c'est là depuis un petit peu plus d'un mois sur l'archive. Les guerres propres par Majesté Féline. Alors maintenant que je retrouve le logiciel de lecture, je vous envoie ça. La Les guerres propres par Majesté Féline, quelque chose. Donc c'est une quasi-nouveauté, enfin ça date déjà d'un mois, d'un petit peu plus d'un mois. Et donc vous trouvez ça sur l'archive Dogmazic et puis sur leur page Dogmazic, hein, www.dogmazic.net/majesté-féline. Ben, il y a également un lien vers leur site web. Ça, c'est pour donc la partie musique libre. Et donc, je vais un petit peu suivre encore un petit peu ce fil conducteur. Là. Enfin, non, on ne peut pas appeler ça un fil conducteur, mais on va encore se remettre un petit coup là, de vidéoconférence. Hein, où est-ce qu'ils en sont maintenant pour donc, Freedom Not Fear. Attendez, si je me mélange pas là sur les... Enfin, sur humanrights21.org là donc qui propose donc ce stream donc voici encore un petit extrait voilà c'est en route.